passe, laissera-t-elle des traces? Une seconde qui passe, se perdra-t-elle dans la nasse? Une seconde qui passe, et pour la première fois, un couple qui s'enlace, un autre qui se sépare. Et moi qui suis assis là, dites-moi ce qu'il m'en restera. Une seconde qui passe, je n'ai pas changé de place. Une seconde qui passe, je sais que quelque part. Une seconde qui passe, et pour la première fois, une mère émue aux larmes, qui serre tendrement dans ses bras son enfant qui vient de naître. Où pouvais-je donc bien être? Que pouvais-je donc bien faire? Temps qui passe, laissera-t-il assez d'espace? Chaque chose a sa place dans ce face à face. Tant qu'il fait, tant qu'il passe, ici légère, ici grave passe, les heures fugaces dans ce face à face. Une seconde qui passe, rien n'a changé de place. Une seconde qui passe, mais semble arrêter là. Une seconde qui passe, plus un bruit, plus un cri, son dernier souffle de vie. Après cette nuit, c'est un. Et moi qui suis assis là, dites-moi ce qu'il m'en restera. Tant qu'il fait, tant qu'il passe, laissera-t-il assez d'espace? Chaque chose a sa place dans ce face à face. Qu'il fait, tant qu'il passe, ici légère, ici grave passe, les heures fugaces dans ce face à face. Chaque chose a sa place dans ce face à face.